cave. Épisode 2. Princesse Mononoke. Yeah! Bon, ben, bienvenue dans la cave, tout le monde. Épisode 2, Mononoke, hein? Deuxième épisode, oui. Malade. Oui. On a survécu jusque-là. On continue, on se décourage pas. Non, non. On essaie de s'améliorer quand même. Hey, merci tout le monde pour tous vos commentaires. Pour vrai, là, c'est fucking cool. Écoute, moi, je sais pas pour tout, Doom, mais mon inbox est plein. Ouais. 3000 fans déjà sur la page Facebook. écoute, on est choyés. Ah non, mais on vous rappelle que c'est une émission, un podcast de souvenirs de deux amis, donc Jake Dion qui est toi. Ouais, c'est moi. Dominique Carrier, vous pouvez l'appeler Doom. Alors, on replonge un petit peu dans le passé, visiter des films, beaucoup d'animés, des jeux PlayStation éventuellement, ouais. Des BD, des mangas. Et on continue avec le deuxième épisode. Ben oui. Mais comment, pourquoi ça s'appelle la cave? Il faut l'expliquer au monde. Oui. Pourquoi la cave? Eh bien, parce que dans le temps, la plupart des choses qu'on va couvrir ici au podcast, on a découvert ça dans la cave, dans un sous-sol. Donc, ouais. Chez nous, chez des amis. Ensuite, je suis allé à l'université, j'habitais justement dans une cave. Ensuite... Puis là, moi, j'habite dans une cave. On fait ça de la Batcave, Jake. C'est ça. C'est ça. C'est la Batcave. C'est un peu plus sexy que le sous-bassement, quand même. Ah oui, mais quelle étrange entrée, hein, pour ouais. Un sous-bassement. Le sous-bassement, ça aurait été pas pire, par exemple. J'aurais pas... Différents publics, je pense. Différents publics. Alors, le premier, on avait commencé avec un gros morceau d'animation japonaise, Macross Plus. Ouais. On poursuit toujours au Japon, toujours avec un autre film. Mais toi, est-ce que tu t'accroches plus depuis que t'as écouté ça? Parce que pour vrai, je sais pas c'est qui nous a écrit ça, mais c'est comme le seul commentaire qu'on a eu. Ouais. J'en ai parlé d'ailleurs au Mystérieux. Parce que oui, les seuls commentaires que j'ai eu, c'est « Est-ce que tu vas continuer à faire les Mystérieux pareil ou tu fais juste de la merde avec ton ami? » Et non, man, je continue les Mystérieux pareil. Puis c'est pas de la merde, notre podcast. Allez chier, man, le monde qui pense ça. Okay. Alors, épisode 2, Princesse Mononoke, Mononoke Hime. Film très important, très majeur dans le monde de l'animation partout autour de la planète. Alors, film du très grand studio Ghibli. The greatest movie of all time, qu'ils disent dans le trailer. C'est rien de moins. Et d'un réalisateur tout aussi influent. On parle de Hayao Miyazaki. Ouais. Alors, le film est sorti en 1997. Ça a fait tout un émoi au Japon. Et je pense que c'est un des premiers, après Totoro, qui est arrivé, qui a quand même eu une bonne... qui était bien représenté à l'international, et même... ouais. Pour beaucoup de monde, Studio Ghibli, bon, tu sais, on associe ça à Miyazaki, mais c'est Princess Mononoke qui les a mis sur la map en Amérique du Nord, même si Totoro était déjà sorti, c'est ouais. C'est comme le plus gros film, le plus populaire. T'sais, après ça, il y en a eu plein d'autres, Spirited Away, House Moving Castle, tout ouais. Ça, mais Mononoke, c'est comme le premier qu'on a fait. Holy shit, ouais. Ça existe. À la base, moi, je compare ça quasiment à un genre de conte de fées, sauf qu'il y a plein de petites affaires là-dedans, genre, qui deviennent comme quand même assez complexes. C'est jamais noir et blanc. Fait qu'en gros, ça raconte l'histoire de Ashitaka. Et lui, il vient d'un petit village, genre, que tu vois que c'est vraiment comme, ils sont un peu... en dehors de la société. Tu sais, tout l'univers se passe comme dans un genre de monde médiéval, mais avec des éléments de fantasy. Il n'y a pas d'année d'indiquer, mais on voit que c'est un peuple autosuffisant. C'est ça. Ouais. Et puis, c'est pas historique du tout. Là, non. Fait que, ça pourrait être une fable. Ouais, genre. Ouais. Oh, ouais, vraiment. Fait que lui, dans le fond, il vient de ce village-là, puis ce village-là se fait attaquer par une espèce de démon super weird, avec comme, on dirait des vers ou des serpents, genre. Puis en se battant, en essayant de défendre son village, il se fait prendre par ce démon-là, puis il y a une espèce de marque sur le bras. Après ça, il y a une espèce de femme sage dans ce village-là qui prédit un peu son avenir avec des roches, puis des cailloux, puis des bouts de bois. C'est l'oracle du village. L'oracle du village, dirait-il. Ouais. Puis il va être forcé à, comme, dans le fond, être l'entre-deux entre les esprits de la forêt, puis le monde qui consomme les ressources de la forêt. T'sais. Fait qu'il y a déjà un conflit, genre, homme versus nature. Puis lui, il va être comme pogné un peu entre ces deux clans-là. Puis il va rencontrer plein de monde à travers ça, plein de personnages super mémorables. Mais jamais, puis ça, c'est ça que j'aime des films de Miyazaki, contrairement aux films de Disney, mettons. Ouais. Disney, c'est qu'ils vont couper clairement entre bien et mal. Ouais. Il n'y a jamais de ton de gris. Ici, mmh. même les gens qu'on se fait présenter comme des méchants, on découvre que dans le fond, c'est juste leur point de vue. Mmh. Il n'y a jamais de méchants parce qu'ils sont méchants. Mais là, tu as juste parlé du personnage de Shitaka. Là. Ouais. Là, l'autre personnage principal, c'est le personnage titre de Princesse Mononoké, justement. Ouais. Alors, pardon, San, de son nom. Et elle, justement, est avec une des divinités animales, des animaux géants. Donc, elle est du clan des loups. Et elle s'oppose très férocement à la troupe de Eboshi. Que ça, c'est un... Qui est d'une autre princesse, c'est drôle. Fait que c'est comme une guerre entre deux princesses. Elle se fait appeler Princesse Eboshi. Ah oui? Pendant le film, ouais. Ah, OK. On en parlera. Mais elle, justement, qui défriche la forêt pour miner du fer, pour le rendre en acier, pour développer les nouvelles technologies de combat, donc les armes à feu, que ce soit des révolutionnaires dans le temps. Alors, essentiellement, tu as ces trois troupes-là. Tu as d'autres clans de divinités animales qui s'opposent à la destruction de la forêt. Ouais. Mais c'est pas un PSC, c'est pas un petit film de Captain Planet pour... Non! It's cool to recycle, kids! Puis, là, là. Mais il y a quand même tout le temps un petit truc moralisateur, environnementaliste dans les films de Miyazaki, faut le dire. Ouais, mais bien fait, là, pas forcé ouais. au fond de la gorge. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est ça, vrai. C'est ça. Donc... Fait que ça, c'est à peu près le synopsis général. De base, ouais. Tu sais, à travers ça, évidemment, il y a plein de conflits et de développement de personnages, mais ouais. on en reparlera plus tard. Oui, absolument. Avant, est-ce qu'on... Comment t'as découvert ce film-là? Oui. Ben, si tu te rappelles, quand notre pilote, mm-hmm. tu disais si bien, quand on parlait de Macross, tu parlais à l'Université Laval, des fois je t'ai accompagné, toi je sais que tu y allais plus souvent avec G, voir des représentations d'animés de façon indépendante, on dira pas... C'était pas non super légal. Hein? Non, mais en même temps, il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas de police, non. De médias, tout ça. Non, non, non. Mais c'est ça, essentiellement, c'était des gens qui recevaient d'une source inconnue, inconnue de nous, en tout cas, des animés qui n'étaient pas distribués ici. Tu demandes de découvrir ça, à cause de l'université? C'est en fait un des mecs qui organisait ça, qui nous présentait des trucs... moi, je ne me rappelle plus trop, peut-être dans les débuts d'Internet, j'avais entendu passer, j'avais vu ce film-là passer sur les sites. Et lui, il m'avait offert une copie VHS, ouais. Donc copie, délavée. Ouais. Avec le charme. Ouais, une ouais. Une copie d'une copie. C'est ça. T'sais. Puis comme tu disais aussi, c'était comme quelque chose de sacré là, qu'on n'a pas le droit d'avoir, parce que ce n'est pas distribué massivement. Mais puis j'avais vraiment été tombé sur le cul là, quand j'ai vu Mononoké. Et par la suite, quand le DVD est arrivé, quand le DVD nord-américain est sorti, si je me rappelle bien, je crois que c'est le premier DVD que j'ai acheté. Princesse Mononoké. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est donc... fucké, moi c'est le dernier que j'ai acheté. Parce que je l'ai acheté récemment. Ouais, donc. Ben moi, tu sais comment j'ai découvert ça, man? Vas-y. À cause de toi, c'est toi qui m'as passé de la cassette VHS, doublé. Okay. Puis t'as fait comme, man, faut vraiment que t'écoutes ça, parce que moi, à l'époque, tu sais, oui, on écoutait Neon Genesis Evangelion. Oui. J'avais écouté les Lola Soir, j'ai écouté Ninja Scroll, Macross Plus, mais on avait une faim, man, on avait une rage de genre, j'en veux plus. Ouais. Puis c'est toi qui avais dit, ben je pense, la prochaine enfance, tu devrais écouter, c'est ça. Mais toi aussi, est-ce que tu avais vu Totoro avant ou c'était non. ton premier... C'était mon premier Miyazaki. Premier Ghibli aussi. Premier Ghibli, je ne savais même pas c'était quoi. Mais je me suis rendu compte des années plus tard que le studio Ghibli était responsable aussi pour le Sherlock Holmes, mais en chien, qui jouait quand on était kid. Courez, courez, Mon cher Watson! En tout cas, vous trouverez la version sur YouTube là, du générique, c'est genre... Ouf. Mais c'était un esti de bon cartoon, c'était super bien animé. Ouais. Ça m'était resté dans la tête, mais j'aurais jamais été capable de faire le lien. Là, puis c'est après des recherches que là, j'ai découvert Totoro. Là, j'ai... Puis en fait, Mononoke, je pense, c'est mon film préféré, Ghibli. OK. Il y en a beaucoup d'autres incroyables, là, mais cette période-là, on dirait que... Je l'aime. C'est comme... Pour moi, Ghibli, il y a comme trois phases. Mm-hmm. Il y a vraiment celle des années, genre des débuts. Fait que là, on parle de, justement, Totoro, Nausicaa. Même, je te dirais, Lupin, qui est, je pense, le premier du studio. Lupin the Third Castle of Cagliostro, je pense, c'est la première production. Je sais que c'est Miyazaki, mais je ne sais pas si c'est Ghibli. Oui, c'est Ghibli. Oui, oh, oui, je te... Ça, okay. Je sais. Okay. Avant, ils ont fait des trucs vraiment weird de commandes de licence, fait qu'ils ont fait des génériques d'intro. Ouais, des bandes annonces là. Pour non, mais attends, des génériques d'intro pour des cartoons américains. Ouais. Fait que c'est eux qui ont animé l'intro des Thundercats. Man. Ok, ben c'est ça. C'est ça que j'allais dire. On regarde les intros, puis après ça, on regarde le show. C'est dégueulasse. C'est super mal animé. Ouais. Puis l'intro est. Allez aussi checker l'intro des Thundercats sur YouTube. Pour vrai, c'est impressionnant l'animation qu'il y a là-dedans. Il y a une séquence que la caméra n'arrête jamais, puis elle fait juste se promener à travers les personnages. Ouais. C'est comme c'est des images super belles. Fait qu'il y a comme cette phase-là. Après ça, t'as la deuxième phase qui est comme ma préférée, qui est plus Porco Rosso, Laputa. Ouais. Et je trouve que cette phase-là se termine avec Mononoke. Puis après ça, t'as comme la phase moderne des Spirited Away, House Moving Castle, Ponyo. Et le plus récent, c'est quoi? Wind Rises, je pense. Ouais. As-tu vu? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé en bien. Il a passé à l'excentré, je pense. OK. Une des forces de Miyazaki, de Ghibli, mais surtout Miyazaki, c'est que c'est des œuvres très riches, mais qui vont couvrir un public très large aussi, peut-être de 7 à 77 ans, ouais. Comme on généralise. Ouais. Mais tout le monde peut y trouver son compte. Mais oui, je suis d'accord avec toi que Mononoke, c'est peut-être son œuvre la plus adulte, si on compare à l'ensemble. Mais tu sais, j'aurais aucune misère à faire écouter ça un flou. OK. Mais je trouve pas que c'est assez... Tu sais, c'est pas épeurant, c'est pas gore, c'est pas... Il n'y a pas de scène de viol. tu peux facilement, même si c'est le plus adulte, tu peux facilement faire écouter ça à un enfant et il va triper. Ben en fait, il y a une parenthèse que je voulais ouvrir, mais que je réservais pour plus tard. On dirait que je me permettre. Permets. En fait, on a couvert l'histoire, le synopsis brièvement, mais on va raconter le film plus en détail après la pause musicale. Mais c'est ça, en fait, la parenthèse. Quand je dis le film le plus adulte, c'est qu'il y a des scènes très colorées, des environnements très riches, mais on parle aussi d'un film qui a des démembrements et des... C'est vrai. Des décapitations. C'est vrai, man. J'ai dit qu'il n'y a pas de gore, mais c'est pas vrai. C'est il y a ça, du gore. C'est ça, ben absolument. Oui. La focale n'est pas là-dessus, mais... Il y a des têtes coupées, il y a des bras coupés. C'est ça, des gens qui meurent et tout. Ben oui. Donc... Il y a une grosse crise de tête coupée. Aussi. Aussi. Mais c'est ça, je pense que ça vient aussi avant les années 2000... Encore, puis même sur le DVD américain, dans le featurette, l'espèce de bonus, les acteurs avant de commencer, je pense que c'est Claire Danes qui dit « Ah, ça va être facile, c'est des dessins animés, c'est des bonhommes pour les enfants, puis non, c'est hâte, puis tout ça. Ouais. » Fait que je pense, dans la classification pour 13 ans et plus, tout ça... C'est 13 ans et plus? T'as un petit peu, on va regarder. Ouais, l'équivalent 14 ans. Oh, mais c'est ça, le point que je vais apporter, c'est que animation égale public jeunesse, comme on disait encore. Fait que ben ça, c'était pas encore réglé, ce qui est totalement ridicule. On en a parlé justement dans notre dernier podcast, que on trouvait Akira à côté de Sleeping Beauty de Disney. Puis moi, j'ai vu un petit club vidéo à Montréal, je pense que j'avais la Blue Girl dans la section animation qui est du gros hentai. Oh my god. Puis il y avait le gros symbole Not for Children dessus. Puis non. Le gérant a bien fait sa job. Ah ouais, c'est une petite fille dessinée avec des gros yeux. Ouais. Ouais, sauf qu'elle mange des tentacules dans le cul. Man. Ouais. T'as-tu déjà écouté un épisode de la Blue Girl au complet? Pas au complet. Moi, oui, man. Oh! Ah oui, man. Puis on riait, man. C'est-tu qu'on riait? Parce que, tu sais, Honnêtement, t'es en groupe. Je juge pas le... Ouais, c'est ça. Puis je juge pas le monde qui sont turned on par ça. À la limite, c'est sain. Ouais. C'est pas du vrai monde qui... Mais tu sais, c'est tout le temps axé sur la torture, les grosses tentacules. Ouais. On en parlera peut-être. Peut-être pas non plus. Non, j'ai pas on a jamais été... dans un seul. Non, on n'écoutait pas du hentai ensemble. Non. Ouais. Fait que, mais c'est ça, le point pour la violence, justement, ça se traduisait aussi dans les jeux vidéo. À l'époque, c'était encore une fois pour les jeunes. Ouais. Le public adulte qui devait, qui avait un devoir de peut-être réglementer ça, n'y touchait pas parce que c'était un univers qui était complètement incompréhensible pour eux. Ouais. Donc, encore une fois, je généralise. Mm-hmm. Mais avant... là, maintenant, c'est le Entertainment Software Review Board, le ESRB, qui donne les cotes de mature et kids to adult, tout ça. Ouais. Puis je pense les technologies aidant aussi, que si graphiquement, au point où on est rendu maintenant, c'est certain qu'il y a des petits kids de 8 ans qui jouent à GTA 5 et qui, ben oui, qui tirent des putes. Là. Ben oui, c'est clair. Mais dans le temps, je me rappelle, avant ce système de classification-là, le premier jeu à avoir une mention de ce type, c'était le deuxième Mortal Kombat. Oui, c'est oui. Vrai. Puis c'était juste une petite mention non recommandée pour les gens en bas de 17 ans, 18 ans. Ouais. Mais moi, je me rappelle, j'avais pas eu de misère de me procurer, de l'acheter aux distributions consommateurs quand j'avais même pas 18 ans. Ouais. Mais bref, pour fermer la parenthèse, c'est que les jeux et les films, que ce soit dans le temps ou maintenant, ça s'applique à tout. Ouais. Les règles de classification sont là pour une raison. Puis, encore là, c'est la violence, c'est souvent toléré, mais la nudité non plus. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais, je m'appelle la série le OVA Golden Boy. Ben oui, man. Ouais. Ça, faut faire un épisode là-dessus dans le futur, c'est sûr, sûr, sûr. Ouais. Mais en fait, c'est 6 épisodes des OVA et à caractère humoristique. Adulte, un petit peu folichon. Le diable est tombé. Et le point pour fermer la parenthèse, justement, c'est que dans la classification, je crois que c'est des 13 ans et plus. Mm-hmm. Dans le premier épisode, on voit une parcelle de seins dénudés. Je me rappelle qu'à l'endroit du VHS, c'était 16 ans érotisme. Mm. Fait qu'il y a. Il y a une Jeannette qui a fait ses devoirs et qui a dit non, ça, tu me mets ça, pas pour les enfants. Mais c'est ça, le point, c'est que dans les médias américains globaux, on va tolérer bien plus de violence, puis dès la vision d'une foufoune, ben là, c'est adulte. Ah ouais, c'est fucked up, ça. Hein? Ouais. Puis ça, c'est ça qui est weird, c'est que tu penserais que la société évolue, puis qu'à un moment donné, on va catcher, que c'est pas grave voir des boules, là. Mais non, on permet des explosions et du monde démembré, mais... Mm. Aussitôt qu'il y a une boule, une un nipple. Parce que si la fille a des étoiles, ses nipples, c'est tout, c'est cool. Si Megan Fox est en G-string, couverte en huile, c'est cool, c'est pour les enfants. Mais si on voit une femme qui accouche, ça, c'est mal. Pis ça, man, c'est notre société de marde, man, qui comprend pas, man. En tout cas, je comprends pas d'où c'est que ça part. Ouais. Mais là, on disgraisse. Oui. On digresse grandement. Et passe-tu en pause musicale? Ouais. On va aller. Toi, tu vas fumer, là. Ouais, un petit peu. On va fumer une clope. Ouais. Donc, morceau en douceur, justement, pour penser aux nipples. Adoucir tes mœurs. On n'est pas obligé de faire un lien avec ce qu'ils jouent, mais moi, j'ai trouvé un morceau de Noveler, qui est tiré de son sépouce, qui s'appelle Wolf. Ah. Alors on s'en va écouter Red Grave de Noveler et on revient avec Mononoke. Thank you. Bienvenue dans la cave. Ouais. Êtes-vous à l'aise? Ah, moi, je suis à l'aise. T'es à l'aise? Je me sens très à l'aise. OK. Et on veut partager ce moment. On veut le partager avec vous, chers auditeurs. Les 5 personnes qui nous écoutent. Ouais. On vous aime. Ouais. On vous connaît tous par votre nom. On était rendu à 55 téléchargements, je pense. Oh, really? Mais je sais pas si ça... Toi, tu l'as downloadé plusieurs fois pour genre faire monter la cote? Mais je sais pas si ça inclut les lectures en continu, par exemple, le streaming. Mais, C'est une bonne question. Je pense. En tout cas. Ben là, prouvez-nous que... Que vous écoutez ça. Ouais. Laissez des commentaires. Envoyez-nous du fan art. Moi, je veux voir quelqu'un qui dessine Doom pis moi. Moi, ça, c'est mon rêve. Là. Si on a ça un jour, ben, je peux mourir après. Ouais. Le dessin qui vient pas de toi. Là. Non, c'est ça. Ça n'a pas le droit d'être moi. Ouais. Ça serait weird. Ça. Mais c'est ça. Si un ami d'un ami vous a copié sur une clé USB ce fichier audio-là, on a un site web pis... Donc, c'est en un mot, lacavelepodcast.wordpress.com ou sinon, faites juste en un mot, lacavelepodcast sur Google, vous tombez dessus. Ouais. Et puis, il y a une page Facebook qui est créée. Ah oui, tu l'as créée finalement? Ben, dans le futur, là, pour en ce moment. Dans le futur. C'est ça qui est hot, c'est qu'on parle comme dans le futur. Mais... Ouais. C'est ouais. Comme hier, là, c'est dans le futur. C'est malade de même. Là. Alors, on parle toujours de Princesse Mononoké. Et maintenant, on va en parler plus en détail, on va rencontrer un peu plus l'histoire, les scènes, et on va se permettre de divaguer encore, de donner plus d'opinions. On a fait un bref synopsis au début, mais... Là, c'est un espèce de free-for-all. On se dit des passes qu'on a aimées, des affaires qu'on n'a pas aimées, qui nous sont restées marquées. Moi, honnêtement, ça faisait super longtemps que je n'avais pas vu le film attentivement. Oui. Quand je me l'ai acheté récemment en DVD, il y a peut-être une couple de mois, tu sais, je l'ai mis sur ma TV, genre en travaillant. Fait que c'était plus en fond. J'étais pas assis en train de l'écouter. Okay. Et je l'ai écouté aujourd'hui d'un bout à l'autre. Oui. Puis je me rappelais pas de la fin. Je me rappelais pas de comment que ça finissait. Okay. Je peux te poser une question. Quand tu travailles avec quelque chose dans le fond, est-ce que tu le mets en japonais? Ou non. C'est ça. Mais là, pour Mononoké, je savais que toi, tu allais l'écouter en... langue originale, japonais. Oui, oui. Fait que moi, je voulais l'écouter en anglais pour qu'on puisse faire un parallèle puis qu'on puisse parler du voice acting original et traduit. Oui. On peut starter là, dans le fond. Le voice acting en anglais, il est écœurant. Okay. En vrai, c'est tous des acteurs qui prennent ça au sérieux. Oui. Tu parlais tantôt, puis même l'épisode d'avant, on a parlé comment qu'au début, les gens, vu que c'était de l'animation, étaient comme c'est un cartoon, fait que... I will kill you, tu vois. Là, tu vois que c'est des acteurs qui ont essayé de rechercher le personnage, de trouver la source. Oui, je pense aussi qu'il y avait un bon directeur de plateau. Exactement, oui. La personne qui a engagé les acteurs nous a vraiment expliqué que c'est sérieux, man. Tu fais pas juste comme dire des niaiseries. T'sais. C'est pas Scooby-Doo. Exactement. Fait qu'il y a beaucoup de gros noms quand même. Il y en a juste 3 qui me viennent en tête comme ça, mais comment on appellerait ça? La dieu-loup? La déesse-loup? Oui, la mère en guillemets podcast. Là. Ouais, la louve, reine du clan des loups, Moro. Qui est interprétée par Gillian Anderson. Scully, man. C'est Scully dans X-Files. Moi, je ne l'ai pas écouté en anglais d'un bout à l'autre, mais par curiosité, quelques scènes justement. Avec Gillian Anderson, j'ai écouté. C'est bien. Ils mettent un espèce de filtre ou de dédoublement de voix, justement, qui... Il y a ça en japonais? En japonais, c'est un peu une semi-grand-mère, là. Tu vois, c'est plus... Il n'y a pas de retouche audio, mais c'est plus le vécu par la voix, là. On le sent, là. Ça, c'est une personne fatiguée. L'autre qui est drôle, c'est l'espèce de moine qui est joué, interprété par Billy Bob Thornton. Ouais, le petit gros moustachu. Le petit gros moustachu, puis pour vrai, même si on l'haït à cette heure à cause de son entrevue de marde qu'il a faite à John Giamashi. J'ai pas vu. Mets-moi en contexte. Alright. Fait que Billy Bob Thornton, il a gagné un Oscar. Pour. Récent? Non, ça fait des années. Okay. C'est un acteur très acclamé par la critique, blablabla. Et il s'est starté un petit band de rock and roll. Ah. Et il a passé à Studio Q à Toronto, ouais. À l'émission de John Giamatti. Et dans son contrat, il demandait qu'on ne mentionne jamais que c'est un acteur. Fait que le gars qui a fait l'interview, John, qui est un gars super brillant, il a fait comme, je peux pas le dire, parce que sinon ça va juste être weird. Fait que je vais passer super rapidement là-dessus, comme juste en présentation du band, dire Billy Bob Thornton, Academy Award winning actor, blablabla. Il nous présente son nouveau album, The Race Car, quelque chose, genre. Puis il a commencé à faire la gueule. Il a pas parlé de l'entrevue. Ah oui. Puis quand il parlait, c'était pour dire du non-sens. Puis finalement, l'intervieweur le confronte, il fait comme, là, est-ce que tu me parles comme de la merde à cause que j'ai mentionné ça? Puis il est comme, moi, j'ai dit à ton producteur de pas mentionner ça. Wow. Puis finalement, tu sais, comme, le gars, il a mis full d'attention sur lui, tandis qu'il voulait pas en mettre. Il est un peu con socialement. Tu vois qu'il est pas très bon, mais c'est un esti de bon acteur. Oui. Et il a fait un job parfait comme... voyons, voice actor. Ou doubleur. Doubleur. Ouais. C'est weird, doubleur. Ouais. Et, je me rappelle sur le DVD, tu as un bonus qui présente justement les acteurs. Justement, je pense que c'est Claire Danes, celle qui interprétait Sam, Princess Mononoke, qui disait justement « Ah, c'est des petits bonhommes pour les enfants, ça va être facile, la le chèque va rentrer. » Puis ce qu'on disait à propos de Bill Bob Thornton, ouais. C'est que ça, pour cette tâche de doubleur, doublage, ouais. Doublage, pardon. C'est quelque chose qui demande du rythme. Ouais. Donc, lui, avec ce volet musical, lui, il l'a eu tout de suite, puis ça allait bien. Ah, ah c'est fucké. Parce que c'est vrai, c'est un beat qu'il faut que tu ailles. Ouais. Tu peux pas juste lire un texte, sinon ça marche pas. Mais ça, on en parlera plus tard, parce que tu sais, comme il y a plein d'anecdotes avec des voice actors malades. Hein. Moi, je pense juste à Mark Hamill qui a fait le Joker. Qui se tire les cheveux pendant qu'il enregistre sa scène, pis t'sais que bon. Mais bref, la traduction anglaise est magnifique. T'sais, je sais que les puristes aiment tout le temps mieux écouter ça en version originale. Moi, je fais partie de ces gens-là. Mais il y a quelques shows comme ça que tu vois que les acteurs sont tellement investis que ça a de l'âme. Ouais. Cowboy Bebop est un autre exemple. La traduction américaine, elle est incroyable. La première fois que tu as écouté Cowboy Bebop, c'était en anglais? C'était en anglais, oui. Ah oui? Non, parce que j'étais à l'université. Ah ben oui, c'est ça. C'était la version c'est sous-titrée. Ça, mais une fois que tu as eu toute la série en main. Je l'ai écouté en anglais, oui. OK. Ouais. Puis l'acteur principal qui est... Ah merde, je me rappelle pas de son nom, mais tu sais, il a fait un job là-dessus. Et j'allais faire j'allais partir sur Cowboy Bebop, mais il faut faire un épisode sur Cowboy Bebop un jour. Moi, c'est ma série préférée. Oui, ça s'en vient dans le futur du futur. Revenons à nos Mononoke. Ouais. Quand même. On a dit que le film ouvre une fois qu'Ashitaka a combattu le sanglier possédé. Ouais. Donc, lui, il est possédé à son tour. Il a la malédiction. Il doit aller vers l'ouest pour découvrir qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a une de mes scènes préférées dans la première attaque du démon. Ouais. Une de mes scènes préférées de tout le film. Puis ça, j'adore ça quand Miyazaki fait ça. C'est des petits détails insignifiants, mais qui donnent tellement, genre, comme de perspective sur le personnage. Fait qu'Ashitaka, il y a une monture qui est un espèce de cerf. Ouais. Il appelle ça dans le film un elk. Ouais. Je sais même pas si c'est une bébite qui existe pour vrai, mais c'est un espèce de cerf avec deux grosses cornes de bélier, genre. Puis quand le démon arrive, lui, il est dans une tour de garde avec quelqu'un. Puis évidemment, sa monture est en bas. Yakuru. Yakul en anglais. Yakul. Ouais, Yakul. Puis le cerf fige quand il voit le démon arriver. Il est apeuré. Puis il est apeuré, puis tu vois qu'il shake, puis comme un deer in the headlights, ça. Comment tu dis ça en français? Comme un chevreuil, tu sais, qui va se faire frapper, tu sais, tu fais juste figer, genre, tu bouges plus, genre. Fait qu'il prend son arc. Il tire une flèche juste à côté dans la colonne de bois qui est à côté du cerf, puis ça le fait comme défiger, puis il part, puis il peut le rattraper après. Ouais. C'est niaiseux, là. C'est vraiment un petit détail qui n'a aucune importance dans l'histoire globale. Mais Miyazaki met tout le temps des petits détails de même, genre soit pour renforcer des personnages ou même la culture. Tu vois qu'il a vraiment créé un monde Puis ça va pas faire partie de l'histoire, mais c'est des petits détails qui fait comme, OK, cette culture-là, elle existe pour vrai. T'as l'impression d'être dans un vrai univers. C'est naturel, on y croit. Ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est niaiseux, mais c'est une de mes scènes préférées, pareil. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que suite à l'attaque, justement, l'oracle lui prédit, lui dit d'aller vers l'ouest. Ouais. Et ça, c'est très classique. La personne s'en va, ne regarde pas en arrière. Je m'appelle dans les OVA de Lodoss War. Ouais. Je pense que le personnage brûle carrément sa maison. C'est comme, fuck off, je reviens plus ici, puis je m'en vais à l'aventure. Ouais, c'est très héroïque. Ouais, ouais. Donc, il part sur ça, et autant, je te dirais, autant Shitaka que Sam, qui ont encore une fois, l'âge n'est pas dit, mais je dirais, fin adolescence, début de l'âge adulte, mais dans la plupart des films de Miyazaki, les protagonistes sont toujours extrêmement, ils ont une détermination extrêmement forte. Ouais. Pas dire qu'ils sont pas flat, sont pas juste purs ou non, là, mais ils agissent avec une grande détermination. Ouais. Ouais. Ils sont souvent plus jeunes aussi. C'est ça. C'est en général. Mais quoi que, non, ça dépend des films. Parce que je pensais tout de suite à Totoro, là, mais tu regardes. Totoro, c'est plus jeune. C'est ça. Je pense Mononoke, c'est entre les deux. Pour Corosso, bon, ça, c'est à part un peu. Là. Mais tu sais, Nausicaa, c'est à peu près le même âge. C'est ça. Même c'est toujours, House Moving Castle ouais, aussi. C'est toujours un peu Coming of Age ouais. que j'ai pas la traduction française en ce moment. Ouais, ouais. L'âge de la vie indue. Hey, pause, check ça. Ouais. Ah, on n'a pas le droit de faire ça au mystérieux. Non. Ça, on a le droit de voir. T'as-tu une autre scène, genre, que t'as capoté, là, que t'as trippé bien raide dessus? Ben, je te dirais, même au début, ouais. Le rythme et les silences. Mm-hmm. On dirait qu'il n'y en a pas, mais en écoutant, tu vois qu'il y a des silences. Puis là, je vais avoir de l'air méchant, je connais pas. J'ai pas vu tous les films de Disney, mais dans mon souvenir, soit il y avait tout le temps comme des personnages qui parlent pour rien dire, ou de la musique, ou c'était tout. Très tonitruant. Tandis que là, non, le silence peut jouer, peut apporter. Il n'y a pas de moment contemplatif dans Aladdin. Ouais. C'est faut qu'il y ait une joke, faut qu'il y ait un beat, faut qu'il y ait le. Vite, on fait une tune, OK! C'est ça. Ouais. Fait que quand la première divinité animale possédée arrive, t'as des moments de silence justement quand il est dans la tour avec le personnage plus vieux. Ouais. Fait que ça l'ajoute. Et l'autre moment, la scène, une de mes scènes préférées, c'est avant l'attaque, quand Mononoke, San arrive avec les deux loups, parce qu'il y a Moro, ouais. la louve plus vieille, la mère, ouais. Mais elle a deux, pas deux chiots, là, mais, deux loups plus jeunes. Deux loups qu'on s'entend que les loups sont un petit peu plus petits que des chevaux, mais elle est grosse comme, elle est énorme, là, elle a, c'est une divinité. Fait ouais, elle a deux queues, t'as-tu remarqué? Oui. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai deux. Ouais. OK. Et je pense que le premier plan de la scène, on voit juste les pattes, les grosses pattes de loup, puis toutes les souris ou les rats qui s'en vont de la forêt, la partie de la forêt qui est défrichée justement par le clan des Boshi qui mine pour le faire. Mm-hmm. Donc, un petit 10-20 secondes, petit moment de on peut appeler ça de la tendresse, que les deux scoles, ils flattent le museau, tout ça. Ouais. Elle met son masque en place, puis là, elle descend pour se faire projeter au-delà des pics de bois et infiltrer la. C'est pas une forteresse, mais c'est une espèce de petite île. Puis ça, l'animation de son personnage est tellement malade, parce que oui, il y a un côté genre quasiment ninja dans ses poses, dans ses. Mais. Après ça, juste comment qu'elle se déplace, c'est presque comme une souris, tu sais, c'est super nerveux. Là. Oui. Fait qu'elle va genre, tu sais, comme courir super vite sur un toit, arrêter, genre, checker droite, gauche, genre, sauter sur un autre truc, genre, clac, clac, clac, battre du monde, genre, comme, elle est vraiment comme nerveuse, l'adrénaline, mais genre, ça lui donne une force en même temps, genre. L'animation, tu sais, comme, bon, ça, on n'est même pas obligé de le mentionner, mais t'sais, l'animation dans les films de Miyazaki, on s'entend que c'est... Il y a un standard. C'est le top du top. T'sais. Oui. Il n'y a rien... Tu sais, ça rivalise avec les plus grands trucs qui ont été animés. Là. C'est vraiment... le standard est extrêmement haut, puis il n'y a rien qui est laissé comme botché. Tu sais, il n'y a pas... Souvent, dans les films d'animation plus, mettons, normaux, tu vas avoir des scènes vraiment bien animées, mais après ça, tu sais, même Ghost in the Shell, qui est un super bon film de gros budget qualité, tu sais, il y a des scènes de dialogue... Que et de l'économie. Comme... Exactement, oui. Tu sens l'économie. Ici, tu sens jamais l'économie. Tu vas jamais voir un personnage statique qui ne bouge pas à part sa bouche. Oui. Tu sais, il va respirer, ses yeux vont regarder autour. Oui, plein de détails qu'on peut regarder sur les visionnages subséquents. Exact. Tu sens tout le temps qu'il y a de la vie, puis ça, c'est dans toutes les parties du film. Tu regardes les backgrounds. C'est tout des trucs peints à la main. Il n'y a jamais d'effet cheap, genre pour essayer de rendre une image moyenne plus belle avec des filtres ou des affaires normales. Les artistes qui ont travaillé là-dessus, man. Puis tu sais, je t'en parlais quand t'es arrivé tantôt. Tu sais, ce temps-ci, je travaille sur une BD. Puis tu sais, bon, tu arrives tout le temps à certains problèmes créatifs de faire comme, bon, comment je fais ça? Ou tu perds une espèce de motivation, tu sais. Puis j'écoute un film de même, puis ça t'inspire. Tu sais, pour tous les artistes qui nous écoutent, là. C'est-à-dire le 0.5, je pense. C'est un film inspirant visuellement. T'as envie de faire une peinture après, t'as envie de dessiner, t'as envie de genre. Puis j'ai écouté une petite. Comment t'appelles ça? Une featurette? Ouais, en français. Un petit bonus. Là, ouais. Arrière-scène. Tu vois les processus d'animation. OK. Parce qu'on peut peut-être parler de Miyazaki aussi en tant que personnage. Oui, ben, je crois qu'il a toujours prôné l'animation traditionnelle, puis malgré qu'il y a une très, très, très petite utilisation de 3D dans Monarchy, comme justement À peu près 5 minutes dans tout le film. OK. Fait que c'est minime, là. Ouais. C'est vraiment... Mais comme exemple, comme la scène qu'on vient d'écrire, quand elle infiltre la raffinerie de Eboshi, quand elle fait face tout le peuple est autour d'elle. Ouais. Et elle fonce sur Eboshi, puis là, on voit que c'est du 3D. Ah ouais? Ça, j'ai même pas remarqué. J'ai même tu pas remarqué. Que... Okay. Pour vrai. Moi, je pensais que le 3D, c'était tout. Parce que quand on a dit le démon du début, là, dans l'intro, c'est comme une espèce de plaie de verre. Fait que t'as comme. Pas du verre VR. Sensu, genre des genres de sensu serpent. Ouais. Qui arrêtent pas de grouiller constamment, qui sont tout le temps en mouvement, fait que ça fait comme une masse de spaghettis dégueu qui avance vers tout. Oui. Puis ça, dans le fond, c'est que ça prend possession d'un animal. Fait qu'au début, c'est un sanglier, genre géant. Parce que comme les dieux des animaux, c'est comme la version de l'animal, mais géant. Fait que le sanglier est genre quasiment gros comme mon appart, là. Fait que ça arrête pas de grouiller. Moi, je pensais que le 3D était fait là, mais peut-être que non aussi. J'ai aucune idée. Je pense pas. Il me semble que c'est plus fluide. Il me semble qu'on l'aurait. Ouais. Mais t'as raison que c'est une utilisation minime. Ouais. T'sais, Miyazaki, c'est quelqu'un qui est très sur les conventions, sur la tradition. On fait de l'animation 2D, puis tu sais, il est game de reprendre. C'est quelqu'un qui est reconnu pour être extrêmement dur avec ses animateurs. Exigeant. Il va les refaire la même séquence d'animation plusieurs fois, puis à un moment donné, il va juste les mettre à la porte. C'est quelqu'un aussi qui est... C'est fucky. Ce gars-là n'a pas de télévision chez lui. OK. Et anti-jeux vidéo. Et évidemment, anti-internet. Fait que tu vois que, tu sais, il y a un petit côté conservateur gossant, là. T'es comme, man... T'sais, si t'as pas d'internet chez vous, puis t'as pas de téléphone chez vous, là, à un moment donné, reviens-en. Évolue avec le monde. Mais bon. En même temps, c'est... Avec les œuvres qu'il fait, je veux dire, ça peut venir d'une personne qui n'a pas ce contact, qui se limite, justement, qui choisit de vivre avec ses choix-là. C'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui passe tellement de temps à travailler. On parle de quelqu'un qui fait du 70 heures semaine depuis presque 50 ans. Il a commencé à travailler super jeune. Puis tu sais, comme le stéréotype du japonais qui met le travail avant tout, fait qu'il va dormir au studio, il va genre, tu sais, comme... Puis ça fait très longtemps qu'il fait ça, évidemment, quand on voit son travail avant sa famille, je pense. Oui, vraiment, vraiment. Ben, ce qui est weird, c'est que son fils travaille au studio Ghibli et a réalisé un film. J'ai pas encore vu... Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est quoi, là? Merde, Tales of Earthsea. Oui. Moi, je trouve que c'est le film dans tous les studios Ghibli qui se rapproche un peu plus de Mononoke. OK. Fait qu'il est un petit peu plus sérieux que les autres adulte, dans le ton, ouais. Plus adulte un peu, plus fantastique aussi dans le sens fantasy traditionnel, là, médiéval, épée et dragon. Là. Puis c'est juste drôle parce que Miyazaki père va voir. Il a pas participé à la production de Tales from Earthsea réalisé par son fils. Son fils qui s'appelle Goro. Goro. Oui. Goro Miyazaki, comme le gros monstre. Il a juste deux bras. Ouais, il a juste deux bras, il a pas quatre bras. Okay. Il est allé à la première, il est sorti avant la fin. Évidemment, tous les médias sont pitchés sur Hayao Miyazaki. Il a dit, la seule chose qu'il a dit aux médias, c'est, j'avais dit qu'il était pas prêt pour réaliser un film, puis j'avais raison. Puis il est parti. Il paraît que depuis le temps, ils se sont réconciliés, mais tu vois que c'est quelqu'un d'extrêmement dur. T'sais, c'est comme, t'es mieux d'être parfait, sinon t'es dehors. Puis même avec son fils, même avec sa famille, il est de même. Fait que c'est juste drôle parce que c'est quelqu'un... Ça contraste vraiment avec ce qui est véhiculé dans ses films. C'est vrai de ça. On parle tout le temps d'un personnage... on parle tout le temps de quelque chose qui est très pacifiste, très anti-haine, anti-guerre. Tu vois que dans la vraie vie, le gars, il est comme. Il est juste evil, là, tu sais. Ouais, c'est peut-être les choses auxquelles il aspire, mais qu'il n'est pas capable de transparaître, d'exécuter lui-même. Ouais, peut-être. Ouais. Tu parlais au début, je crois, dans le synopsis, que le personnage de Shichiaka va être confronté, que va être un peu entre les deux clans plus extrêmes de le clan des Boshi. Qui défrichent la forêt, qui veulent prendre ses ressources par rapport aux divinités annuelles, par rapport à Princesse Mononoke, qui veulent préserver ça et qui ne veulent rien savoir des humains. Je crois qu'à deux ou trois reprises, Ashitaka dit clairement pourquoi on ne peut pas comme, vivre ensemble, tout le monde, puis s'adapter, puis se comprendre, puis s'aider. Là. Ouais. C'est drôle aussi comment qu'il va faire partie de deux clans sans jamais vouloir s'affilier avec eux autres. Non, il demeure indépendant. Exact. Parce que autant des deux bords, ils veulent juste détruire l'autre. Puis lui, il dit, si je t'encourage là-dedans, je fais juste créer plus de haine. C'est vraiment un personnage pacifiste. À un moment donné, il tue quelqu'un par un peu erreur à cause de son bras. Il donne comme une super force, mais de destruction, tu sais. Puis il s'en sort, il tire à l'arc. Puis ça, c'est super bien animé. Tu sais, il tire sur un mec, puis c'est la tête hors vol, tu sais. Normalement, si tu tires sur quelqu'un avec une flèche, la tête... on revole pas. Puis tu vois qu'il sent mal, même s'il l'a fait pour protéger des gens, tu vois qu'il veut jamais tuer. Ouais. Ça, c'est aussi une espèce de valeur que je trouve qui est pas assez véhiculée dans les films héroïques. Souvent, le héros va gagner parce qu'il a le plus gros gun, puis on tue tout le monde, puis c'est pas grave. Genre, mais tu sais, comme l'espèce de respect de la vie, dans le fond. Tu vois vraiment qu'il l'a, puis qu'à chaque fois qu'il est confronté à ça, il choisit tout le temps la voie la plus pacifiste. Un autre de mes scènes préférées, parce qu'il est quand même badass un peu, là. Il est vraiment, tu sais, comme... C'est un... Comment tu dirais ça? Il est indépendant, mais il sait où c'est qu'il s'en va, puis il sait où il se tient. Puis il se connaît, tu sais. Ouais. Il sait qui il est, tu sais. Puis à un moment donné, il arrive vraiment entre Mononoke, qui est en train de se battre avec, j'ai oublié tout le temps son nom, Eboshi. Oui, justement la scène qu'on parle depuis tantôt, quand on a cueilli un filtre et puis il y a la confrontation. C'est ça, puis lui il se met comme entre les deux, puis il réussit à les neutraliser tous les deux. Oui, ça l'enlève un peu, les trois se battent, puis là, juste en un instant, OK, il peut éclencher les deux de même. Exact. Puis ça fait que tout le monde est terrorisé autour, parce que là, tout le monde le voit comme « Hey, tu viens de tuer notre leader, pas de le tuer, mais tu viens de... » La mettre KO. La mettre KO, tu sais. Mm. Mais en même temps, il fait tellement avec une confiance sereine que tu vois que c'est pas par agressivité, c'est pas par haine qu'il fait ça, c'est vraiment parce que « He's the man, he's in control. » Il veut résoudre le conflit. Exactement. Pour que ça s'envole. On n'a pas parlé de la musique, parce que là, on avance quand même vite dans le temps. Oui, on parle de la musique. On s'habitue encore, on parle du film, mais on parle pas beaucoup. Puis, mais, bon, on s'excuse. Mais c'est ça, la cave, c'est une discussion. C'est ça. on s'adapte aussi. Là, ouais. On va devenir le meilleur en meilleur. Là, ouais. On le sait, on a été conscient que le premier épisode, on était un peu éparpillé. On est encore éparpillé aujourd'hui. On est encore éparpillé, mais on essaye tranquillement. Là, ça va devenir meilleur. Donnez-nous une chance. Ouais. Puis, ben, tu sais, au pire, écoutez-les pas. Hein. C'est pire qu'on va voir. Alors, concentrons-nous. C'est le nom du compositeur. Oui, donc la musique composée par Joe Hisaishi. Est-ce que c'est tout le temps le compositeur de Miyazaki? Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est un collaborateur de longue date, depuis Nausicaa, je pense. Encore là, Nausicaa, je pense, c'était l'exception à la règle, c'est-à-dire... dans ce temps-là, je pense que c'était fin des années 80, synthétiseur, j'ai vu une vidéo que toi, je pense, ça te laisse un souvenir amer. Là. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime vraiment pas la musique de Nausicaa, mais j'adore ce volet. De, parce qu'il y a aussi le volet orchestral symphonique dans Nausicaa aussi. Et voilà. Mais, donc toujours des mélodies très prenantes, quelqu'un qui sait très bien se faire autant des courtes pièces que des longs morceaux. Ouais. Et si on compare rapidement avec Yoko Kanno, qu'on parlait dans Macross Plus, certain que Joe Hisaishi va être moins... expérimental. Ouais, diversifié, aventureux, tout ça. Mais il y a quand même une sonorité très propre à lui. Donc, dès Nausicaa, il a continué avec Miyazaki. Ouais. Et c'est, je pense que c'est un mariage... ça marche bien. Ouais, ouais, ouais, parce que même malgré la petite note que je vais dire... C'est une soundtrack incroyable. C'est émouvant, c'est beau, c'est... L'émotion est tout le temps parfaitement véhiculée par la musique. Moi, c'est comme c'est une soundtrack que j'écoute genre seul. Là. Ouais. Sauf que c'est vrai que la première fois que je l'ai écouté, j'ai fait « Hein, c'est le thème de Braveheart! » C'est drôle parce que j'écoutais hier la trame sonore de Hanabi, Fireworks, un des films de Kitano. Composé, la musique composée par Joe Hisaishi, puis il y a un des thèmes que j'ai dit « Oh shit, ça ressemble comme à deux notes du thème de Mononoke », fait que ça doit être ça, artistes musicaux, des fois, on pense qu'on a quelque chose, puis « Ah non, j'ai déjà fait ça », ou « Ça ressemble ». Ben, mon père, pour ceux qui ne savent pas, mon père est un compositeur de musique, c'est ça sa job dans la vie, fait que ça se peut que quand on parle de musique, je fasse souvent référence à mon père, mais c'est pas... Ça rapporte. mais il m'expliquait comment que, surtout pour des films, tu vas composer la musique après la production. Ouais. C'est très rare. Ennio Morricone, c'est un des rares exemples qui compose la musique avant que le film soit fait, puis il est comme, tu te débrouilles avec ça. OK, mais dans ce cas-là, est-ce que le réalisateur l'écoute et puis tourne en fonction? Il y a un travail entre les deux, sauf que le compositeur va travailler sur le montage final. Ouais. Pour les beats, pour les thèmes, pour les... Le rythme. Exactement. Donc, il y a beaucoup de compositeurs qui sont obligés d'avoir des espèces de réflexes de composition. Oui. Un des plus connus, mettons, c'est Danny Elfman, qui a fait beaucoup de trames sonores de Tim Burton, de Batman, c'est son plus gros succès, mettons. L'intro des Simpsons. Mais tu vois qu'il y a des réflexes de compositeurs. Mm-hmm. Il sait quand embarquer les voix d'enfants, il sait quand mettre la harpe, il sait quand... Parce que c'est une fonction, c'est une méthode de travail qui est extrêmement rapide. Oui. Fait que t'as comme pas le choix. Un peu à, comme Miyazaki va souvent récupérer ses designs de personnages. Il va avoir des designs types. Mm-hmm. Fait qu'il y a sa fille type, il y a son mec type, oui. Il y a sa evil bitch type, il y a son gros monsieur qui travaille avec la grosse barbe. Tu vas retrouver comme s'il engageait des acteurs un peu. Fait que c'est un peu la même affaire pour un compositeur, c'est qu'il va avoir des réflexes de dire comme « Ok, là, je fais mon punch musical là. Ok, là, je fais mon thème comme ça. » Fait que c'est normal qu'on reconnaisse. C'est comme la signature d'un compositeur. Dans ouais. Fait que c'est normal qu'après 5 films, à un moment donné, il y ait des thèmes qui se ressemblent un peu. Là, fin de la parenthèse de composition. C'est quoi, Joe Hisaishi, très... un autre artiste. On a beaucoup parlé de la scène, justement, confrontation, quand Mononoke infiltre et Ashitaka arrive, possédé par son bras maudit, Himekaoru Ebushi, Mononoke. Ouais. Finalement, il décide de quitter la raffinerie où les gens travaillent. Tous ces gens-là, justement, les hommes comme les femmes, Et même, on apprend que Eboshi, celle qui est à la tête de Du cette troupe-là, village. ouais, du village, disons ça comme ça, aide une gang de lépreux qui sont pas en contact avec les autres gens du village, mais que ce sont eux qui façonnent les fusils, Exact. les armes à feu. Donc, suite à ça, Ashitaka s'en va avec Moyunké et... Et ça, c'est un parfait exemple pour dire comment que les personnages sont jamais noir et blanc, parce que Ouais. quand on se fait introduire ce personnage-là, d'Eboshi, Ouais. on pense qu'elle est méchante, parce qu'elle a des guns, puis elle tire sur la nature, puis là, on fait comme « Ah, c'est une méchante! » Puis là, finalement, quand on voit ça de son point de vue, elle est en train aussi, tu sais, comme tu l'as pas mentionné tantôt, mais elle récolte des femmes, des bordels, pour en faire son espèce de population qui va l'aider, genre, à travailler dans le Ah, j'ai village. manqué ça, la Ouais, référence il au. arrête pas de faire une référence. Les femmes, ils arrêtent pas de Moi, je vais dire que c'était meilleur que d'être à l'autre place qu'on était dire... avant, là. C'est ça. Fait que les femmes arrêtent pas de dire... sont très en pouvoir, en passant, dans le village, les Ouais. femmes. Ils arrêtent pas de dire, genre, oui, on travaille fort ici. Oui, on met tout ce qu'on a. Sauf que c'est mieux que de travailler dans un bordel. Puis ce bordel-là est référé plusieurs fois après dans le film. Puis tu OK. comprends que Eboshi, dans le fond, elle sauve des gens. Mmh. Puis elle les intègre dans sa communauté, t'sais. Ouais. Fait que là, après ça, tu fais comme, OK, elle est pas méchante, elle essaie juste de faire ce qu'elle peut pour aider le monde. Ouais. C'est juste que la nature est à travers son chemin, les forces comme spirituelles de la nature l'empêchent d'avancer dans ce qu'elle veut faire, mais à la base, elle veut juste aider du monde. Elle veut pas tuer la nature parce qu'elle est méchante, t'sais. Elle veut juste comme faire vivre le plus de monde possible dans la paix et l'harmonie, t'sais. Fait Peut-être pas. Il y a quand même un désir de pouvoir. il y a un désir de pouvoir, mais ça, c'est une autre affaire. Quand j'ai réécouté le film, je me rappelais pas que la fin. Moi, j'étais sûr que ça finissait d'une manière dramatique. Je sais pas pourquoi, mais tu te rends compte que c'est un maudit happy ending, là. Puis Ashitaka et San, Mais donc. on a Oui? d'autres choses à parler de la fin. Non, non, mais je veux juste dire ça. Vas-y. On peut revenir en arrière après, là. Ils deviennent tellement des fuck friends, hein, en passant. Parce que moi, j'écoutais le film, c'est genre la première affaire que. Tu sais, Ashitaka ne peut pas vivre avec Sam. Sam, c'est une fille qui a été élevée par les loups, Ouais, qui est-ce qu'elle veut. elle se considère pas humaine? C'est ça. Elle se considère comme un loup. Oui. Elle haït les humains. Puis Ashitaka fait juste comme check. Moi, je vais retourner rebâtir le village avec les humains. Sauf que je Juste t'aime. visiter une fois de Fait que je temps vais te en temps. visiter une fois de temps en temps. Puis là, t'as les deux qui sourient, puis qui se checkent. Je suis comme, ah, oh, ils vont fourrer comme une fois par saison. C'est Ouais, clair. c'est ça que Miyazaki C'est voulait. ça que Miyazaki. Ça, faut aussi le mentionner dans tous les films de Miyazaki. Comme tu disais, c'est de 7 à 77 ans. Ouais. Il n'y a jamais aucune fucking référence à la sexualité. Jamais, jamais, jamais. C'est comme si ça n'existait pas. Et moi, ça me dit que dans le fond, la vie sexuelle de Miyazaki, ça doit être Ouais. genre, check mon crayon, comment qu'il caresse le papier. Ça doit s'arrêter là. Je pense pas. Ça se pourrait. Parce que s'il fourre, il fourre mal en esti. In your face, Miyazaki. Mais ouais, c'est ça. Il n'y a Ouf. jamais de référence. C'est vrai, Chris, c'est vrai, esti. Suite à ça, Oui. on voit plus. En fait, le film ouvre avec le sanglier possédé. Un peu plus tard, on voit une autre tribu, disons, de sangliers qui arrivent du sud pour prêter main-forte ou demander qu'est-ce qui se passe. Parce que ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que le dieu de la forêt, la divinité, le dieu cerf, Ben oui. qui donne la vie et qui prend la vie, Ouais. ça se retrouve dans une partie cachée de la forêt. Et à la fois, comment elle apparaît physiquement, c'est comme un cerf, mais avec un visage humain, qui est Ça, un c'est peu, weird qui comme est un peu design. déstabilisant, ouais. Ah, c'est déstabilisant, mais pas nécessairement dans le bon sens. Non, C'est honnêtement, je trouve pas. Quand il devient comme lumière, là, parce non, que non. Ouais, la nuit il se la nuit, transforme, ouais, comme un Jaeger. mais le jour, c'est. Imaginez-vous un cerf qui a comme des tentacules de bois qui sortent de la tête, Ouais. un visage humain et des pattes de d'oiseau quasiment. Là. Comme des grosses pattes de griffon, genre. Puis pour vrai, il y a quelque chose d'en face que quand il s'en sert pour être creepy un peu, ça marche, mais c'est weird. C'est juste un design fucking weird. Je trouve que c'est un des aspects les plus faibles du film. Le design de... Parce que c'est supposé représenter l'esprit de la forêt. Ouais. Fait que c'est supposé être intense. Moi, je trouvais que un des designs que j'aime le plus, c'est les petits esprits de la forêt. Oui, les... Comment on les appelle? Les Kodama. Ils sont comme des petits... C'est comme des bobblehead. Ouais, c'est ça. C'est comme des petits bonhommes blancs, des bonhommes Pillsbury qui tournent la tête puis qui... C'est que la tête se brasse. Exact. Puis tu sens que, t'sais, que même s'ils ont une apparence humanoïde, c'est comme presque des fantômes. Oui, oui. Puis que la tête même, c'est comme une espèce d'imitation naïve d'un visage humain, mais c'est juste comme... Parce qu'ils ont toutes des imperfections. Ils ont deux yeux, une bouche. Mais tout le temps un croche un peu asymétrique. Ça, c'est creepy, mais c'est cool en même temps. Oui, ils sont fun. Oui, ils sont vraiment... Ouais. Ça, c'est un esti beau design. Oui. Mais c'est ça, comme Ashitaka le dit, dès qu'ils en voient un, dès qu'ils voient une présence, ça signifie que la forêt est en santé, est en paix, est bien animée. Ouais. Ben c'est ça, la plupart des humains, mettons, moi, je me ramasse dans une forêt puis je vois plein de petits bonhommes blancs qui apparaissent autour de moi. Je freak out. Ouais. Sauf que lui, encore là, avec sa monture qui s'appelle comment déjà? Yakuru. Ou Yakul. Tu sais, Yakul, il n'a pas peur. Quand il voit, fait qu'il fait comme si lui il a pas peur, ça veut dire que c'est cool. C'est cool. C'est pas un danger. Mm. Ça, c'est une autre affaire que je voulais parler. Et peut-être. Ah, merde, j'aurais dû en parler avant. Pour les gamers, moi, en écoutant Mononoke, ça m'a surpris comment que ça avait influencé le jeu Shadow of the Colossus. Okay. Par la présence du personnage avec. Son cheval. Oui. Je trouve vraiment, tu sais, Yakul là-dedans, là, c'est un personnage presque principal. Tu sens que c'est pas juste un cheval qui monte dessus. C'est vraiment, c'est son ami. Ils ont grandi ensemble. Tu sens qu'il y a une espèce de lien entre les deux. Puis dans Shadow, c'est quoi? C'est Agro? Ouais, exact. Ouais. Puis dans Shadow, c'est ça, c'est que ton cheval, c'est pas ton véhicule de transport. Non. C'est un personnage avec qui tu joues. C'est un allié, c'est ça. Puis il va venir t'aider quand. Puis tu sens quand il a peur, tu sens quand il. Qui est ton bord, tu t'établis un lien avec. Oui. Puis juste même visuellement, il y a beaucoup d'affaires dans Mononoke qui me faisaient penser à Shadow. Genre. L'espèce de héros qui est game, qui est très pur, mais qui est game de confronter genre des dieux pour genre faire ce qui est juste. Genre, fait que je dis ça de même, mais tu sais, Shadow of the Colossus, c'est un de mes jeux préférés. Fait. C'est comme, je voyais ça tout le long, j'étais comme, ah, merde, c'est sûrement de là que l'inspiration vient, c'est sûr. Juste pour dire comment Miyazaki a influencé beaucoup de monde derrière. Si on va dans un... divaguer un peu, le film est sorti en 97. Ouais. Et au Japon, ça a eu un succès monstre. Ouais. Ça avait battu le box-office avant, précédent. Du Japon. Oui. Ouais. Oui. Et si on recule un petit peu, jusqu'en 92, c'était E.T. Ah, ouais. Qui l'avait. Puis en 92, c'est une production du studio Ghibli. C'est Porco Rosso qui a battu E.T. Ah! Pendant 10 ans. Mais Mononoke a fait très bien, mais la même année, il y avait un petit film qui est sorti qui s'appelle Titanic. Ah. Fait qu'il l'a battu, mais juste à peine. Ah. Très à peine. Puis le film suivant de Miyazaki Ghibli, Spirited Away, ça a battu Titanic. Oh, nice! Ouais, ouais. Bon, ben, in your face, c'est... James Cameron. Fait que ouais, les Japonais sont très près de leur art. Ouais, puis c'est ça, on l'a pas mentionné. Je pense qu'on va parler de plusieurs films. T'sais, moi, j'aimerais ça qu'on fasse un épisode sur Paco Rosso un moment donné. Là. Ouais. Mais il y a un musée Ghibli. Ou un musée Miyazaki? Musée Ghibli. Il y a un musée Ghibli au Japon. Oui. Avec des artefacts, avec les robots de la Laputa. Ça a l'air magnifique. Oui. Ça a l'air malade. Oui. D'ailleurs, il faut que je mentionne l'épisode passé sur Macross. Oui. Un de mes amis, Sam Murdoch, qui est comme un... Ouais, qui est une espèce de légende à Québec. Là. C'est genre, si Québec c'est cool, c'est à cause d'une personne, puis c'est Sam Murdoch. Lui puis moi, quand on s'est rencontrés, on a parlé 2 heures de temps juste de manga, d'anime japonais. Okay. C'est comme, on se fait juste... T'as-tu vu ça? Oui! Ah! Toi, t'as-tu vu ça? Ah, ah, ah, pendant 2 heures de temps. Et il a écouté notre premier podcast, mm-hmm. puis il m'a envoyé des photos du musée en merde. Je pense que c'est le musée du manga, okay. mais il y a un étage complet dédié à Macross. Fait qu'il m'a envoyé plein d'affaires de merde. Wow. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on pourrait mettre sur le site, là, okay. peut-être, ou je sais pas, dans les commentaires quelque part, mm-hmm. genre, tu sais. Fait qu'il m'a envoyé toutes les images du YF, tu sais, des avions Valkyrie, pis tout. Wow. Fait qu'il a bien aimé. Fait que Sam, merci pour les photos. Je vais essayer de les partager. Si tu veux, là, je vais te le demander avant, mais c'est quand même vraiment cool à voir parce que tu te rends compte qu'au Japon, tu sais, c'est célébré ces choses-là. Ici, c'est comme... On n'a pas le même contact. Et on n'a pas le même, c'est ça. Ouais. On voit pas ça de la même manière, pas en tout. Ouais. Et puis, je suis content qu'il y ait encore de l'animation traditionnelle qui existe. Que... Je pense que je voyais Frozen, le dernier Disney. Je pense qu'il ouais. bat tous les records. Là. Ouais. Moi, ça m'intéresse tellement pas, ça. Ouais. Tu je trouve que pour faire de l'animation 3D, je sais pas. Tu sais, oui, Pixar sont vraiment bons, mais tu sais, c'est tellement souvent froid, genre. Mm-hmm. Mais Miyazaki, je pense pas que le studio Ghibli, en général, parce que Miyazaki a pris sa retraite, comme on l'a dit tantôt, mais je pense pas qu'ils vont s'en aller vers le CG. Je pense qu'ils vont continuer la tradition d'animation 2D. Maintenant, point de recommandation ou non? Ben, écoute, moi, je pense que c'est un must. Ouais. Je pense que même si, mettons, quelqu'un me dit « Hey, j'ai entendu parler de ça, Studio Ghibli, Miyazaki, il y en a full de films, quels que je devrais me taper? » Je suis comme « Mononoke en premier. Ouais. » Après ça, peut-être Porco Rosso? Ouais, Spirited, oui. Ouais. Mm-hmm. Ouais. C'est deux gros. C'est deux mais oui, oui, c'est un must absolu. Là, comme, on parlait de Macross. C'est comme, dans ma tête, Mononoke, c'est au même rang que les Akira. Je parle pas dans tes goûts personnels, mais je veux dire en termes de production, de qualité, de film qui va perdurer. Là, ouais. C'est légendaire comme film. Ouais. Faut que tout le monde écoute ça, qui s'intéresse moindrement, soit aux animés japonais ou même juste à l'animation en général. Mm-hmm. Écoute ça. Je pense sans être péjoratif, je pense que les films de Ghibli, Mononoke, je pense que c'est plus grand public que l'animé série télé ou en V1 ou Macross, comme on disait. Ouais, c'est tout, sûr. Tout ce qu'on a connu un petit peu avant. Ouais. Ouais, c'est sûrement l'affaire la plus child-friendly qu'on va parler. C'est comme. Ninja Scroll, faites pas écouter ça à vos enfants. Même Akira non plus. Non, mais comme on a dit avec les scènes de violence. Pas caché, mais pas glorifié non plus. Non, c'est un peu le film le plus adulte. Ouais. Mais oui, chaud de recommandation. Ouais. Et. C'est ça. On va essayer d'être un peu plus. Un peu plus tight, mais tu sais, donnez-nous une chance, là. On commence. On va tirer ça au 10e épisode. Mais non, man. Combien d'épisodes t'aimerais en faire? Ben, je veux mourir quand. Hein? Moi, j'aimerais ça en faire 666. 666? Ouais. Si on est rendu là, Ben, c'est malade. C'est... Dans genre 30 ans, à peu près. Ouais, non, ça marchera pas. Ouais, peut-être. Ouais. Mais on va. Laissez-nous des commentaires. Qu'est-ce qui était plate, qu'est-ce qui était cool, ouais. Qu'est-ce que vous auriez enlevé, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on développe là-dessus. Ouais. C'est de même qu'on va devenir meilleur. Sinon, nous autres, on peut juste jaser de tout ça pendant 4 heures, puis on s'en crisse. Ouais. Fait que laissez-nous des commentaires, puis on s'en va-tu direct en musique? Ouais, là c'est ton choix musical qui a été influencé avec le thème et le titre. Ben comme moi. Toi, hein, Doom, en passant. Ben la référence était subtile. La référence, moi, est moins subtile. Ouais. Mais j'aimerais dédier cette chanson à un de mes grands amis. Hein? Mon frère. Mon âme sœur, même. Si t'étais une fille, on fourrait ensemble tout le temps pis t'aurais pas de blonde. Mais malheureusement, tu es un mec. Mais on peut s'essayer pareil, là. On l'a déjà essayé dans le passé. Mais j'aimerais dédier la toune à Michel Falardeau. Oui. Et c'est du band Mastodon. Oui. De l'album... Blood Mountain. Et la toune s'appelle... Ça rappelle plus. Alone with Wolves. The Wolf is Loose. The Wolf is Loose. Pour toi, Michel. Bon, merci tout le monde.